Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Si j'échoue, vous pourrez toujours déclarer que je suis fou. Tel aurait été, en substance, le contenu d'une lettre que Rudolf Hess, numéro 3 du régime nazi, aurait fait parvenir à Adolf Hitler en mai 41, alors même que son avion décollait en direction de l'Écosse pour effectuer le voyage le plus étrange, le plus rocambolesque de toute la Seconde Guerre mondiale. Le voyage d'un fou, donc. Ou plutôt, le voyage d'un homme qui s'est appliqué ensuite, tout au long de sa longue captivité, à ressembler au fou qu'il aurait prétendu être. Il y a donc un mystère Rudolf Hess, ou plutôt plusieurs mystères, car il naît jusqu'à sa mort, qui semble curieuse. En 1987, l'ancien dignitaire nazi, alors nonagénaire, a-t-il été assassiné dans sa cellule de la prison de Spandau, dont il était le seul résident? Il s'est trouvé des historiens apparemment sérieux pour l'affirmer. Plus de 40 ans après la fin de la guerre, Hess aurait été supprimé par des agents britanniques parce qu'il fallait le faire taire, parce qu'il était en possession de secrets encore embarrassants pour Londres. Monsieur X ne croit guère à cette hypothèse, ne serait-ce que parce que si on avait voulu condamner Hess au silence, on aurait agi plus tôt. Et le plus vraisemblable, c'est donc que le nazi s'est suicidé. Toutefois, il ne doute pas du fait que l'affaire S n'a certainement pas livré tous ses secrets. And the Führer says, wie ist the master race? Wie heil, heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace, so wie heil, heil! Right in the Führer's face. When Herr Goebbels says, we own the world in space, wie heil, heil! Right in Herr Goebbels' face, when Herr Göring says, they'll never bomb this place, wie heil, heil! Right in Herr Göring's face. Are we not the Superman? Aryan Führer Superman. Ja, wie ist der Superman? Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Ja, this Nazi land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. Heil Hitler's world new order. Everyone of foreign race will love the Führer's face when we bring to the world disorder. When the Führer says, we is the master race, we heil, heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace, so we heil, heil! Right in the Führer's face. Rendez-vous avec X. Vous devez penser que j'exhume un dossier bien poussiéreux. Que nous avons d'ailleurs ouvert ensemble il y a très longtemps. Ah, hein. En effet, oui. Et pourtant, l'étrange voyage de Rudolf Hess, pour reprendre le titre d'un auteur anglais, continue à intriguer. De nouveaux documents surgis des archives alimentent le débat. Le débat. Ouais, oui, qui porte essentiellement sur deux questions. Que venait faire Hess au Royaume-Uni? Oui, en pleine guerre. Hein. Et alors que l'aviation du Troisième Reich poursuivait son pilonnage des villes britanniques. Alors, pourquoi cette initiative? Et deuxième question, est-ce a-t-il agi en accord avec Hitler ? Ouais, bref, le Führer savait-il ? C'est ça. Alors avant de voir tout cela en détail, quelques exemples à propos de ces nouvelles sources que j'évoquais. Cette année même, un document a été proposé aux enchères. Un texte de 300 pages qui aurait été écrit de la main même de Rudolf Hess et qui aurait été, en quelque sorte, son mémoire en défense lorsqu'il a comparu devant le tribunal de Nuremberg. Et qu'il l'a condamné, il faut le rappeler, à la réclusion à perpétuité. Oui, ce texte aurait ensuite disparu. Avant donc de réapparaître et de faire l'objet d'une vente aux enchères en Allemagne. Mais le propriétaire de ce document aurait demandé une somme si démesurée qu'il ne s'est trouvé nul acheteur. C'est un peu bizarre, non ? D'autant qu'il y a eu des précédents. Ah, vous pensez au faux journal d'Hitler ? Là, par exemple, oui. Je suis comme vous, il convient d'être méfiant dans ce genre d'affaires. Sans doute plus sérieusement. Un historien anglais, Peter Padfield, a publié très récemment un ouvrage où il bat en brèche la plupart des théories relatives au voyage de Rudolf Hess. Et que dit-il, lui, alors ? Ben, il affirme que c'est Hitler en personne qui a envoyé Hess en Écosse afin de proposer aux dirigeants britanniques un traité de paix. Ça vous paraît crédible ? Il y a dans cette révélation une petite partie de la vérité, mais une partie seulement. Je vous expliquerai pourquoi. Ouais, mais comme d'habitude, il faut être patient, quoi. Vous avez tout compris. Car cette affaire dissimule un formidable secret. Je dois aussi vous dire que 2 ans plus tôt, en 2011, selon le Daily Mail, un document de 28 pages a été retrouvé dans les archives russes. Ah bon, et qui l'aurait écrit, celui-là ? Un des plus proches collaborateurs de Rudolf Hess, le major Karl-Heinz Pinch. Il aurait rédigé ce texte en 1948, alors qu'il était prisonnier des Russes. Lui aussi affirme que Hitler souhaitait qu'un accord intervienne avec Londres. Un traité de paix ? Oui, et c'est ce major qui a évoqué l'existence d'une lettre que Hess a envoyée à Hitler avant de prendre l'air. Hess qui était un des dirigeants nazis qui connaissait le mieux le Führer. Mais qui était un fidèle de la première heure, oui. Dans cette lettre, Hess écrivait à peu près ceci. « Si le projet échoue, il vous sera toujours possible de nier toute responsabilité et de dire que j'avais perdu mes esprits. Ouais. » Ce qui sera effectivement la réaction officielle des autorités du Troisième Reich quand sera connue l'escapade écossaise de Hess. Exact. Vous voyez donc que le dossier Hess ménage encore des surprises. Il n'est pas exclu qu'on découvre encore d'autres documents, sauf en Grande-Bretagne, car les autorités de ce pays ont veillé à détruire toutes les preuves de l'existence d'une éventuelle tractation entre Londres et Berlin. Un aveu de culpabilité ? Certainement pas la culpabilité que vous imaginez. Alors pour commencer, intéressons-nous d'abord à ce curieux personnage qu'était Rudolf Hess. Pourquoi curieux ? Vous avez déjà vu une photo de Hess ? Oui, bien sûr. Ouais. Sous les sourcils très denses, son regard semble étrange, inquiétant, sinon halluciné. Ouais, ça accréditera l'hypothèse de son dérangement mental. C'est évident. On prétendra qu'il souffrait depuis quelque temps d'hallucinations. C'était même si inquiétant que le Führer lui-même lui avait interdit de piloter. Et la vérité, alors ? Écoutez, je ne suis pas psychiatre, mais avant son voyage vers l'Écosse, Hess, qui est occupé de hautes fonctions dans l'Allemagne nazie, n'a pas semblé mentalement malade. Autre point qui a peut-être contribué à construire cette image d'un personnage à demi-fou, c'est son attirance pour l'occultisme. Mais ça, j'y reviendrai, si vous le permettez. Car d'aucuns ont estimé que cette curiosité malsaine avait joué un rôle dans cette affaire. Et l'homme lui-même, alors, d'où vient-il ? Hess est né en 1894 en Égypte, où son père était négociant. Mais c'est en Allemagne qu'il fait de bonnes études secondaires. Parlant à la fois le français et l'anglais, le jeune Hess travaille d'abord dans une maison d'exportation de Hambourg. Lorsque la guerre arrive, le jeune homme est mobilisé. Blessé, il est versé dans l'aviation et achève la guerre avec le grade de lieutenant. Alors c'est donc pendant la guerre qu'il a appris à piloter ? Oui, et ça lui permettra d'être seul aux commandes du Messerschmitt qui le conduira au Royaume-Uni. Après la Première Guerre mondiale, le jeune homme reprend ses études à l'université de Munich. Il y rencontre son premier mentor, un personnage qui va avoir une influence déterminante sur lui, le professeur Karl Haushofer, un universitaire qui jouera aussi un rôle éminent dans l'élaboration des thèses nazies, et qui, un peu plus tard, sera également un homme clé dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Vous allez donc reparler de ses professeurs. Et aussi de son fils, Albrecht. À Munich, Hess sympathise avec le deuxième grand homme de sa vie, Adolf Hitler. Hess est littéralement fasciné par cet ancien caporal qui n'est encore qu'un inconnu. Lorsque ce dernier crée son parti, il est l'un des premiers à en devenir membre. Et bientôt, il participe au putsch de Munich aux côtés de Ludendorff et de son nouvel ami Hitler. Et il partage son sort ? Oui, comme Hitler, il est arrêté, condamné et emprisonné. Et pendant 9 mois, il partage la cellule du futur Führer. Qui va y écrire la Bible du nazisme, Mein Kampf. Alors on peut donc imaginer que Rudolf Hess a été le premier lecteur de ce texte sulfureux et fondateur. Ouais. Et qu'il y a peut-être mis sa propre patte. Pourquoi pas ? En tout cas, ce compagnonnage obligé dans la même cellule conduit le fidèle Rudolf à devenir, dès leur libération, l'indispensable bras droit de Hitler. Ça signifie qu'il va partager tous les épisodes de son irrésistible et violente ascension. Il sera aussi l'un des rédacteurs des lois racistes de Nuremberg. Ouais, c'est donc un nazi convaincu. Hein. Et même l'un des théoriciens de la doctrine nationale-socialiste. Détail intéressant, celui que l'on présente comme le dauphin du Führer se garde bien de participer aux incessantes intrigues des principaux dirigeants nazis. En août 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Hitler en fait un ministre sans portefeuille, membre du Conseil de défense. Rudolf Hess est alors le troisième personnage du régime, juste derrière Göring. Même si, après le déclenchement de la guerre, Hitler semble tenir un peu à l'écart, ou bien alors en réserve. Ouais. Son influence a donc pâli. Forcément, puisque ce sont les chefs de guerre qui occupent le terrain. Mais il n'en reste pas moins qu'il a toujours l'oreille du Führer et qu'on parle toujours de lui comme du dauphin. Ouais. Et c'est pourquoi la nouvelle de son départ vers le Royaume-Uni va faire l'effet d'une vraie bombe. Ah, évidemment, et d'une façon assez curieuse. L'information fera plus de bruit en Allemagne qu'en Angleterre. Alors que la propagande britannique aurait dû au contraire monter en épingle, ce qui pouvait quand même ressembler à la défection d'un éminent dignitaire nazi. Ah, tout à fait, mais il n'en a rien été. Les autorités de Londres n'ont pas crié victoire et ont assez rapidement imposé un quasi-secret sur la fuite de Rudolf Hess. Ah, ben parce qu'il y avait des choses à cacher. Naturellement, et qu'il fallait à tout prix protéger le secret de toutes les manœuvres obscures qui avaient précédé cette considérable opération. Mais d'abord, je voudrais tordre le cou à un curieux canard, où l'on retrouve un personnage bien connu, Ian Fleming, espion de l'Intelligence Service et futur créateur de James Bond. L'historien anglais Martin Allen est l'auteur de l'ouvrage « L'étrange voyage de Rudolf Hess ». Je reviendrai souvent vers ce livre très documenté. Premier extrait, ce portrait du nazi. La personnalité de Hess était de celle qui inspire tout naturellement confiance. C'était un homme sans prétention qu'on appelait volontiers la conscience du parti. Toujours sanglé dans des uniformes aux médailles rutilantes avec des brassards ornés de svastikas, il indisposait les autres dirigeants du parti par son calme et son sérieux et arrivait souvent à la chancellerie du Reich en veste sport ou en complet d'une coupe impeccable. L'image du Hess en chemise brune épaulant son Führer et hurlant « Sieg Heil » était réservée au grand public. Dans l'intimité, c'était en fait un homme très différent. Au lendemain de la guerre, on demanda à un proche de Hess, Ernst Boll, si Hess était un nazi convaincu. Après un temps de réflexion, Boll répondit « Il avait la conviction de l'idéaliste. Il fut, à mon avis, le plus grand idéaliste que nous ayons jamais eu en Allemagne. Un homme très doux, pas question avec l'uniforme ni de tralala. Et il s'exhibait très rarement en public. » Hesse fut donc un vrai politique qui se satisfaisait d'œuvrer dans l'ombre au développement du national-socialisme et, à mains égards, il devint rapidement le visage lisse, acceptable, du gouvernement nazi. Peut-être, mais enfin, remarquons toutefois, comme M. X, que c'est cet homme doux qui a été l'un des rédacteurs des lois racistes du Troisième Reich. Je vous l'ai dit, il était bien connu que l'ami d'Adolf Hitler se passionnait depuis longtemps pour l'occultisme et fréquentait même des sociétés ésotériques. Jan Fleming aurait donc profité de cette attirance du ministre allemand pour attirer Rudolf Hess dans un piège. Ouais. Bon, on a souvent associé hitlérisme et occultisme, en particulier à cause de l'emblème nazi, la croix gammée. Ouais. En partie, oui. Alors, puisque ça semble vous intéresser, quelques détails. La croix gammée, la svastika, est un signe religieux très ancien, originaire de l'Inde. Il symbolise sans doute la rotation du soleil. Mais la svastika indienne est dextrogyre, c'est-à-dire qu'elle tourne vers la droite, tandis que la croix gammée nazie est sénestrogyre, c'est-à-dire qu'elle tourne vers la gauche. Pour les occultistes, c'est donc un signe noir. Ah, maléfique, donc. Oui, oui, pour les hitlériens, cette svastika est le symbole d'un paradis perdu, celui de Thule, une contrée mythique localisée dans le Grand Nord et où vivait une race supérieure des surhommes, les Aryens. Est-ce que cette Thule a une réalité historique ? Bah, pas plus que l'Atlantide. Et d'ailleurs, cette contrée imaginaire aurait sombré dans les flots comme l'Atlantide. Mais quelques Aryens auraient survécu à cette catastrophe. Je vois là, des grands blonds aux yeux bleus, j'imagine. Voilà, des Germains pur jus. Et c'est sur cette mythologie de pacotille qu'Hitler et les autres ont bâti leur théorie raciale et raciste. Ouais. Est-ce Hitler qui l'a inventé ? Non, non, il existait avant même la naissance du nazisme, une société de Thule, créée par quelques illuminés. Une société qui va être véritablement le creuset de l'hitlérisme et à laquelle vont adhérer beaucoup de dignitaires du nazisme. Oui, alors dont Rudolf Hess. Hein. Bien évidemment. Et c'est au sein de ce groupe qu'il va rencontrer un personnage qui aura donc une grande influence, non seulement sur lui, mais aussi sur Hitler. Et c'est ce professeur que vous avez évoqué tout à l'heure, là ? Oui. Haushofer, Karl Haushofer, un ancien militaire et professeur d'université qui a beaucoup bourlingué en Extrême-Orient et qui est féru d'occultisme. Un type brillant, fascinant même, d'après ceux qui l'ont approché. Ouais. Un gourou, en somme. Oui, et aussi un spécialiste de géopolitique. C'est lui, par exemple, qui a inventé la funeste doctrine de l'espace vital. Une doctrine qui va justifier les conquêtes territoriales d'Hitler, puisque la race supérieure allemande doit pouvoir géographiquement s'épanouir. J'ajoute que toute sa vie, Karl Haushofer a été le mentor de Rudolf Hess. Celui-ci ne faisait jamais rien sans lui demander son avis. Hess était aussi très ami avec son fils, Albrecht Haushofer, un personnage dont on va reparler. Mais si Haushofer a été le mentor de Hess, j'imagine qu'il a dû jouer un rôle là, dans son aventure écossaise. Bien entendu, et son fils également. Voyez-vous, Haushofer est alors partisan d'associer l'Angleterre au combat anti-bolchevique de son ami Hitler. Alors d'accord, mais bon, revenons un peu en arrière. Que vient faire Jan Fleming dans tout cela ? J'y viens. Une parenthèse d'abord. Prends pas du tout à mon compte ce que je vais vous raconter. Mais pourquoi ? Parce que je n'y crois pas. Enfin, ça mérite quand même d'être relaté, parce que c'est une version très astucieuse et qui frôle, parfois, la vérité. Il s'agit donc d'une version un peu romanesque, peut-être. Évidemment. Et cet habillage conçu après coup arrangeait les véritables acteurs de l'affaire. Enfin, n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ? En tout cas, si Fleming n'était pas encore l'auteur à succès qu'on connaît, il avait déjà une sacrée imagination. Alors voilà. Fleming, à l'époque, vient d'entrer dans les services secrets britanniques, après avoir exercé divers métiers, dont celui de journaliste, avec son chef direct, Maxwell Knight, qui sera plus tard un des modèles pour le personnage de M, le patron de James Bond. Il s'intéresse depuis longtemps aux activités des sociétés occultes. Et pour quelle raison exactement là ? Fleming et son chef savent que ces officines, comme beaucoup de sectes aujourd'hui, dissimulent des activités extrémistes. Oui, des activités extrémistes de droite. Bien entendu. Or, dans ces années où pullulent les sociétés ésotériques, les services secrets anglais se rendent compte que certaines d'entre elles servent à diffuser la propagande pro-allemande. Nazie donc. Oui. et à leur tour, ils décident de les infiltrer. C'est là qu'intervient Fleming. Sa cible, c'est un personnage dont vous avez sans doute entendu parler, un Anglais, Aleister Crowley. Ah, c'est celui qui se faisait appeler l'Antéchrist. Lui-même, un type particulièrement sulfureux, qui s'est d'ailleurs fait expulser de France à la suite d'un crime rituel. Or, Crowley connaît très bien Ashover. Il sait que ce n'est pas un ennemi forcené de l'Angleterre, où il compte de nombreuses relations. Il sait surtout qu'il a une influence énorme sur Rudolf Hess. Ouais. Fleming va donc essayer d'approcher Hess grâce à Crowley. C'est un petit peu plus compliqué que cela. En se servant de ses réseaux occultistes, Fleming fait savoir à Haushofer, et donc indirectement à Rudolf Hess, qu'en Angleterre, dans certains milieux influents, on ne serait pas opposé à négocier une paix séparée avec l'Allemagne. Haushofer est tout de suite très intéressé. Ce professeur de géopolitique sait qu'inévitablement, un jour ou l'autre, Hitler entrera en guerre avec Staline. Et il estime que l'Allemagne n'aura pas les moyens de lutter sur deux fronts à la fois. Ouais, il en parle donc à Hess. Oui, et ce dernier commence à s'enflammer. Pourquoi ne serait-il pas l'artisan de la paix entre son pays et l'Angleterre ? Désormais, il ne pense plus qu'à ça. Et il se dit que son premier interlocuteur en Angleterre pourrait être Douglas Hamilton, qui en 1940 héritera du titre de Lord. Et Lord Hamilton, donc. Hess l'a rencontré avant la guerre, sans doute à l'occasion d'une visite du prince de Galles en Allemagne. Et les deux hommes ont sympathisé. Hess pense donc que cet aristocrate lui permettra, certainement, de prendre contact avec les plus hauts personnages de l'Angleterre, peut-être même avec le roi, George VI. Tout ça est un peu fumeux, non ? Et ça plaide plutôt pour une altération des facultés mentales de Rudolf Hess. Oui, mais n'oubliez pas que je vous livre là une version trompeuse de l'affaire. Une version à la sauce Ian Fleming. Mais je poursuis. Fleming et son patron, Knight, ont donc ferré Hess. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut presser le citron jusqu'au bout et faire en sorte que le dirigeant nazi prenne la décision de venir lui-même en Angleterre négocier cette paix dont il rêve. À part la capture d'un éminent dirigeant du Troisième Reich, quel aurait été le véritable objectif de Fleming ? La propagande. L'Allemagne est bien mal partie si l'un de ses plus hauts dignitaires quitte le navire en pleine guerre. Ça veut dire que celui qu'on présente souvent comme le successeur d'Hitler a compris que le Führer menait son pays à la catastrophe. Oui, logique en effet, mais comment arriver à obtenir ce résultat ? En exploitant une fois de plus les lubies ésotériques de Rudolf Hess. Fleming, grâce à Crowley, introduit auprès du dauphin d'Hitler un astrologue, un homme qui est complètement dans les mains des services secrets britanniques et qui va à son tour très habilement manipuler Hess. Et comment alors ? D'abord, Fleming fait passer un message via Crowley et Haushofer. Lord Hamilton attend à tout moment son ami Rudolf Hess. La rencontre peut avoir lieu dans son château écossais. Ensuite, l'astrologue lui présente un horoscope truqué. Le 10 mai 1941, une conjonction astrale exceptionnelle va permettre à Rudolf Hess d'accomplir son grand œuvre. Le nazi comprend aussitôt. C'est ce jour-là qu'il doit partir. Sa mission sera forcément un succès puisque les astres lui sont favorables. D'ailleurs, son ami et conseiller Haushofer le pousse à prendre cette décision. Et Rudolf Hess s'envole. Eh oui, et notez-le bien, il pénètre sans encombre au-dessus du territoire aérien anglais. Forcément, la défense anti-aérienne a été prévenue. Un peu tiré par les cheveux, non ? Vous croyez ? Absolument. Eh bien, vous avez raison. Sauf qu'il est vrai que l'avion allemand était attendu et qu'on avait donc donné des instructions pour qu'il arrive sans encombre en Écosse. La version de l'intervention de Ian Fleming est donc un habile montage qui mêle vérité et mensonge. Quoi qu'il en soit, ce qui prouve qu'elle est fausse, c'est que Churchill ne va pas exploiter l'événement et lui donner toute la publicité qu'elle aurait méritée. Alors la vérité maintenant ? J'y viens, et vous allez le constater, c'est encore beaucoup plus machiavélique que la fantaisiste version que je viens de vous livrer.

Joseph Kennedy, par exemple, le père de JFK qui avait été peu de temps avant ambassadeur à Londres. Et qui était loin d'être hostile aux nazis, hein, comme quelques grands industriels états-uniens qui faisaient d'excellentes affaires en Allemagne. Hein. Henry Ford, par exemple, oui. Des gens qui, par ailleurs, ne se gênaient pas pour dire qu'entre Hitler et Staline, bah, il fallait choisir le dictateur nazi. Ouais, qui était un rempart contre le bolchevisme. Donc, Churchill avait de bonnes raisons de minimiser l'aventure de Rudolf Hess et de passer sous silence ses propositions de paix. Ou à tout le moins de les trouver farfelues. Mais Churchill avait aussi une autre raison pour minimiser l'initiative de Rudolf Hess. Une raison impérieuse et interne. Et ça explique aussi pourquoi Rudolf Hess, dès son arrivée en Angleterre, a été interné et mis au secret. Mais quoi alors ? Encore un tout petit peu de patience. Je vais vous reparler de quelques personnages que j'ai évoqués précédemment. Et en particulier des Haushofer père et fils. Mais cette fois, débarrassons-nous de tout ce fatras occultiste et des prétendues manipulations de Ian Fleming. Car l'action de ces hommes était bien réelle. Et nullement fumeuse. Mmh. C'est pourquoi vous m'avez dit qu'il y avait quand même un fond de vérité dans ce scénario très romanesque. En effet. Intéressons-nous d'abord au fils Haushofer, Albrecht. Il était fonctionnaire au ministère allemand des Affaires étrangères où il disposait d'informations confidentielles. Très anticommuniste, il était, tout comme son père, partisan de la paix avec l'Angleterre. Car cet anglophile y comptait de nombreuses relations. En quel milieu ? La bonne société, évidemment, les cercles dirigeants et l'aristocratie. Mais il avait aussi des contacts avec les services secrets anglais. Et était-il lui-même un agent ? Bah, les Anglais le considéraient en effet comme tel. Ouais, ce qui signifie qu'il faisait semblant d'en être un. C'est à peu près ça. En fait, Albrecht Haushofer, sans être un nazi pur et dur, était d'abord, tout comme son père, un nationaliste convaincu. Et ce qu'il a accompli, il l'a fait pour le Troisième Reich, indubitablement. Ah, d'accord, mais alors qu'a-t-il fait ? Fin 40, Hitler renonce à envahir l'Angleterre. Ah, et pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas la possibilité. Et surtout parce qu'il a déjà en tête de se tourner vers l'Est. Ouais, l'URSS, son prochain ennemi. Évidemment. Avec le pacte germano-soviétique, il a réussi à endormir l'ours russe. Et au passage, en accord avec son complice Staline, il a dépecé la Pologne. Mais tôt ou tard, l'ours russe se réveillera. En outre, il y a cette funeste théorie de l'espace vital, développée justement par Haushofer, père et fils. Une théorie selon laquelle la nation germanique, trop à l'étroit dans ses frontières, doit investir d'autres territoires. Où se trouvent d'ailleurs déjà des Allemands exilés. C'est pourquoi dans l'entourage du Führer, certains, comme Haushofer père, imaginent de conclure une paix séparée avec l'Angleterre. Mais pas n'importe quelle paix. Et surtout pas avec n'importe qui. Ah, c'est-à-dire bah, les nazis ne peuvent pas pactiser avec ceux qu'ils appellent les bellicistes. Churchill, en premier. Par contre, il existe en Angleterre des hommes, essentiellement dans les milieux conservateurs, qui sont tout prêts à engager la discussion. Et que le nazisme n'effraie nullement. Mais qui, par exemple ? Oh, ils sont légion. Il y a, par exemple, Harold Balfour, le sous-secrétaire d'État à l'aviation. Lord Douglas, Butler, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Lord Lossian, ancien ambassadeur à Washington. Lord Halifax, et aussi Lord Astor, le propriétaire du Times. Et quelques honorables parlementaires. Sans oublier le duc de Hamilton, l'ami supposé de Rudolf Hess. Tous ces gens-là sont partisans de traités avec Hitler. Et tous sont plus ou moins en relation avec l'anglophile Albrecht Haushofer. Ouais, il y aurait donc à l'époque un clan germanophile et pacifiste en Angleterre. C'est certain. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps à propos du duc de Windsor et de sa vénéneuse épouse, Mrs. Simpson. Ces gens-là étaient de sincères admirateurs d'Adolf Hitler. Et ils l'ont prouvé à maintes reprises. Et en particulier en se rendant en Allemagne à l'invitation du Führer. Hein. Et certains agents des services secrets appartenaient aussi à ce clan informel. Les contacts de Haushofer ? Oui, et ce sont certainement eux qui, en cachette du cabinet britannique, ont permis que Rudolf Hess puisse communiquer avec son ami Hamilton, à qui il envoyait plusieurs messages où déjà cette paix séparée était évoquée. Mais ça ressemble à un complot, non ? On n'en est pas loin. Or, écoutez-moi bien, peu avant l'arrivée surprise de Rudolf Hess en Écosse, Albrecht Haushofer fait parvenir une information capitale à ses contacts anglais. Le chancelier Hitler a confirmé lors d'une confidence faite à Rudolf Hess que son espoir était de parvenir à une cessation des hostilités avec l'Angleterre. Il n'y aurait ni vainqueur, ni vaincu. La fin de la partie serait sifflée sur un match nul. C'était crédible? Ah, assurément. Car le Führer était prêt à consentir d'importantes concessions, par exemple, en rendant leur liberté aux pays occidentaux qui l'avaient envahi, comme la France, la Belgique ou la Hollande, à condition que ces pays ne se retournent pas contre lui. Ouais, deviennent des vassaux, en somme. Si vous voulez. C'est en tenant compte de toutes ces informations que le voyage de Rudolf Hess va être projeté. Et donc avec la bénédiction d'Hitler? Bien évidemment. Comment voulez-vous qu'il en ait été autrement? Alors, Hess part en Angleterre, mais que va-t-il y faire? Il va proposer la paix aux Anglais. Enfin, à ces Anglais qui étaient prêts à discuter avec Hitler. Je veux bien, mais quand même un sérieux obstacle, Churchill. Eh bien, les Haushofer, Hess et Hitler lui-même, étaient persuadés que les pacifistes l'emporteraient. Et que le belliciste Churchill perdrait la partie au Parlement. Elle serait remplacée alors par un nouveau Premier ministre, favorable, lui, à la conclusion d'un accord de paix avec Berlin. Exactement. Mais ce que ne pouvaient savoir ces gens, c'est que les dés étaient pipés depuis fort longtemps. Et qu'insinuez-vous là? Les manipulateurs étaient en réalité manipulés. Et celui qui tirait les ficelles, c'était Churchill. Churchill qui n'ignorait rien des manigances des Haushofer et de leurs efforts pour convaincre les pacifistes anglais de rallier leur cause. Mieux, le Premier ministre britannique avait même décidé de s'en servir. La tentative de Rudolf Hess était donc condamnée à l'échec. Il s'agit là sans doute d'une des plus grandes opérations de mystification de la Seconde Guerre mondiale. Mais si vous voulez, on verra cela la semaine prochaine. Un dernier mot peut-être avant de vous quitter. Je vous écoute, oui. Il existe une autre raison pour expliquer pourquoi Rudolf Hess a été mis au secret. Parce qu'on a trouvé sur lui, à son arrivée en Écosse, la liste de tous les membres de la conspiration. Hess savait donc que des noms prestigieux de l'aristocratie ou de la politique étaient compromis. Il fallait le faire taire pour éviter de provoquer un gigantesque scandale. En pleine guerre, c'est la solution qu'a trouvée Churchill, non sans raison. À samedi prochain pour la suite de cette étonnante histoire. Et si vous le voulez bien, vous pourrez me rejoindre dans quelques minutes devant la maison de Radio France pour le salon du livre de Radio France. Radio France, faites le livre. Vous pourrez sur franceinter.fr écouter cette émission qui a été préparée par Rebecca Denante, réalisée par Michel Billoux. Et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.